terroristes ouvrent le feu, c'est des chiens partout dans le noir. Tout le monde à terre, terre, c'est le son du père. Ouais frère, comment va? Oh Ali, ça va et toi mon frère? T'entends le son derrière ou quoi? Tout le monde à terre, hein? Tout le monde à terre, gros. Ah, franchement, t'as fait mal, hein? Tu lui as fait mal à l'instru. Ah, merci, poteau, c'est gentil. Ouais, sinon, toi, ça dit quoi en ce moment? Ouais, frère, je suis sur le dernier morceau de l'album, là. Un ego trip, un truc de gamin. Ah ouais? On est les meilleurs, tout ça. Faut vraiment que tu viennes faire le refrain. Ah, t'inquiète. Ok, je compte sur toi? Non, compte sur moi, mon frère. Ah, vas-y, c'est parti. T'inquiète, on est là. Vas-y, à bientôt, frère. À bientôt, Ali.